Ce mardi à Assemblage requis. On analyse les mythes du rock'n'roll avec Simon Fitzbay. On parle plein air avec Émilie Gauthier. La chronique technologique CNX. Et on va finir toutes nos phrases comme ça. Assemblage requis, aujourd'hui 15h.